Malade. Ben merci, oui. Sam Girard. Ça fait plaisir. Bonne semaine. Une édition spéciale d'un Gamer à un autre avec Samuel Girard au Mathieu Plante Show. Il nous reste encore ses chroniques sur les jeux de simulation ainsi qu'une chronique inédite en cadeau à la toute fin de l'émission. Pour l'instant, voici la Nintendo 3DS et les speedruns de Mario. Diffusion originale 19 octobre 2016. Maintenant, c'est le moment de recevoir Samuel Girard qui, ce n'est pas une reprise à la même intro que la semaine passée. D'habitude, il varie. Donc voici d'un Gamer à un autre. Samuel Girard qui est avec nous encore pour sa chronique d'un gamer à un autre. Salut Sam! Hey! On passe en force, hein? C'est ça, il faut bien se mettre en forme ensemble. Donc aujourd'hui, encore une fois, on parle de jeux vidéo, d'à peu près tous les domaines, tout ce qui entoure les jeux vidéo, mais spécifiquement de quoi on parle aujourd'hui? Ben aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça en deux temps. Donc, on va parler de la fameuse 3DS. Ouh. Parce que là, je sais pas si tu étais au courant, là. Toi, normalement, juste de base, t'as une Wii U. J'ai une Wii U, mais j'ai aussi une 3DS XL. T'as aussi une 3DS? Oui. Laquelle? C'est la noire 3DS XL. OK, que t'as acheté à sa sortie, j'imagine. Exactement. En vendant mon ancienne. Je fais tout le temps ça, c'est comme avec mes iPhones. Okay. Je vends l'ancienne, j'achète la nouvelle. Donc, t'as vendu ta DS pour t'acheter une 3DS XL? Oui, je pense même que j'avais une 3DS. Avant. Donc, j'avais avant la 3DS XL. T'as eu la 3DS? Non, avant la New 3DS, ne pas confondre. La New 3DS XL que j'ai. Ok, t'as la New 3DS. Oui, avant, j'ai eu la 3DS XL. Avant, j'ai eu la DS. Ok, voilà. Ok, ça c'est très important, c'est ce que tu viens de dire là. Oui. Parce que c'est ça que je veux démêler avec tout le monde. Voilà. Okay. Mettons que Nintendo sont pas fort sur le branding de leur console. 2DS parce que c'est pas en 3D. Je comprends pas comment ils nomment leurs affaires. J'ai eu beaucoup de misère avec ça, moi aussi. Puis c'est un peu pour ça que je veux faire une chronique là-dessus. Donc, on va faire un peu le tour dans l'ordre chronologique. Okay. Démêler un peu les gens. Puis après ça, je vais essayer de vous conseiller c'est laquelle qui vous convient. Mm-hmm. Parce que un c'est un test de personnalité. C'est ça. Exactement. On se croirait dans le magazine Cool. Oui, exact. Donc moi j'ai acheté une 3DS à sa sortie. Ouais. Pour moi c'était très important. Je suis un passionné de la franchise Pokémon. Mm-hmm. Et évidemment c'est pas long qu'on a eu Pokémon X, Y. Ouais. Donc ça me prenait une 3DS et ça me prenait une copie de au moins une des deux au moins un des deux jeux. Une copie légale. Ben oui. Le collectionneur en moi veut toutes les copies physiques légales des jeux. C'est pas parce que j'ai acheté chaque petite cassette illégale dans ma vie que je suis juste un gars illégal. J'achète des jeux aussi. Ah, c'est bien. Je me défends de quelque chose qu'on m'a pas accusé. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas ça le point du débat. Merci quand même de t'ouvrir à nous. Les confidences de l'animateur. Oh. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'avais le choix entre la 3DS mm-hmm. ou la 3DS XL. Ouais. Donc là, j'ai regardé ça et la différence, c'est que la XL est plus grande et offre un écran de meilleure qualité. Meilleure image. Une meilleure image, mais en même temps, il étire l'image de la DS, XL, la 3DS, pas XL, vers le XL. Fait que tu vois les pixels pas mal plus que sur, mettons, un iPhone. Oui, mais c'est mieux défini quand même. Oui, un peu. OK, donc... Mais ça paraît. C'est ça. C'est agrandi. Et au niveau ergonomique aussi, la je te dirais que la XL est mieux. La poigne est mieux. Donc on d'accord. Donc elle se tient mieux dans les mains. Ouais. On force moins des yeux pour regarder les détails, le texte. Ouais. Donc je te dirais quand même que je me suis dit OK, ça vaut la peine que je mette le 20-30$ de plus oui. pour avoir la XL. Je suis d'accord avec toi. Ça rentre un petit peu moins bien dans la poche ou dans le sac, mais c'est pas un drame. C'est bon. Ça. Ouais. C'est ça. De toute façon, souvent quand on traîne une console du genre, ça va dans le sac à dos. C'est ça. Fait que quand c'est petit ou gros, ça prend pas même plus de place. Et pas tellement plus lourd non plus. Ouais. C'est ça, ouais. Exactement. Donc, au départ, c'est un peu comme ça que je tranchais. Qu'est-ce qui est arrivé après, c'est que la fonction 3D mm-hmm. est un peu désagréable au début. Oui. Les jeux étaient peut-être moins bien faits pour ça. Et quand que je mettais l'effet 3D, je me ramassais avec un mal de tête assez rapide. Moi aussi, même que je vois pas la 3D, peu importe à quel niveau je le mets, on dirait que mes yeux sont pas faits pour voir la 3D. Okay. Je ne vois que du flou. Ok. Ouais. Ok, non, moi je vois bien par exemple. Okay. Mais c'était pas agréable. Ouais. Donc, je me suis dit, OK, regarde, je le mets tout le temps à off de toute façon. Mm-hmm. Je me suis dit, donc, c'est un peu inutile d'avoir payé pour ça. Ouais. Et je suis pas tout seul à avoir pensé à ça, parce que pas longtemps après, ils ont sorti la 2DS. Exactement, pour enfants, en un seul morceau pas pliable. Exact. Hein? Donc, qui est pareil comme la 3DS, pas Excel, mais qui avait pas la fonction 3D. Et en des couleurs toutes plus enfantines les unes que les autres, un genre de beau petit rouge puis un beau petit bleu. C'est ça. Et savais-tu que l'écran de la 2DS, c'est un seul écran? C'est pour ça qu'il est pas pliable. Ah, oh, OK, ils l'ont fait comme ça. C'est un cadrage autour, hein. Ça fait sens. J'ai jamais été tenté d'acheter de la 2DS, je la trouvais pas belle. Ben, puis c'est que ça se transporte mal. C'est comme aussi. Format genre carré, hein. C'est pas aussi. Beau, je trouve. Mais il y a une demande pour ça. Oui, absolument. Et j'en vois tout le temps des gens qui ont ça, là, avec ouais, un petit étui en triangle. C'est bizarre, ouais. C'est très bizarre. Ouais. Mais quand même, ça permettait d'avoir, je pense qu'aujourd'hui, elle vaut à peu près 80$. Genre, c'est vraiment super achetable. Donc, c'est très abordable. Dans la famille, oui, allez-y. C'est ça. Donc, quand même, elle a sa raison d'être. Oui. Donc, on enlève le 3D, elle est plus petite, c'est pas pliable et c'est à un prix très abordable. Tout à fait. Donc, quelqu'un qui veut pas nécessairement jouer beaucoup, qui a pas besoin de grand écran, que c'est juste divertissement comme ça à l'occasion, ben, je dirais que la 2DS, c'est abordable, c'est ce que je vous conseille. Oui, c'est ça. Puis, vous allez pouvoir jouer en multijoueur avec les autres qui ont une plus sophistiquée console. Oui. Vous allez pas être perdu, là, tu sais. Non, ça rien à part pareil. Le 3D, là, c'est pliable, il y a rien. Là. Exact. Ouais. C'est les mêmes jeux. Même jeu. Donc, c'est ça. Il y a pas de problème. Là où c'est venu fausser les données, c'est quand que Nintendo a décidé de sortir la New 3DS. Le mot New, là, c'est comme la série de New Super Mario Brothers. Oui. Là, le New, il devient plus ben ben New après 2-3 mois. Hein. C'est pas pertinent. Non, c'est pas pertinent. Il aurait dû juste trouver un autre nom. Et ils sont pognés dans une génération, puis ils sont pas capables, on dirait, d'aller au-delà de cette génération-là. Oui. Faut qu'ils sortent des dérivés, des ben, versions comme la alternatives. Wii et la Wii U. Oui, c'est ça, parce que Wii U, au moins, c'est une nouvelle génération. Et ça portait à confusion à cause du mot Wii. Les gens pensaient que c'était la Wii, mais un petit peu plus forte, mais c'est une autre génération complètement. C'est ça. Alors que la New 3DS, c'est la même 3DS avec un petit peu meilleur processeur, puis un deuxième joystick qui va vraiment mal. Ouais, c'est ça. Pour certains jeux, comme exemple Majora's Mask 3D. C'est ça. Et t'as aussi un bouton Z de plus en arrière. C'est vrai, qu'il y avait pas. Donc là, c'est qu'on voulait une 3DS qui pouvait jouer un peu mieux les jeux de Nintendo 64. Ouais. Donc on veut ressortir des jeux ou en faire des nouveaux qui auraient fonctionné sur le Nintendo 64. Et là, on les sort à la 3DS et on veut que la console soit le plus près possible de ce que la manette de Nintendo 64 peut nous offrir. Si vous avez déjà joué à, mettons, Mario 64 ou Nintendo DS, qu'il fallait que tu portes un petit morceau de plastique sur ton pouce pour aller sur l'écran tactile parce qu'il n'y avait pas de joystick à l'époque, c'était un cauchemar. Effectivement. S'il y avait eu le petit comment on appelle ça, le petit knob qu'il appelle, grab them by the knob. C'est pour... Ouais, c'est grab them by the pussy. Excellent lien. Ouais, mais je trouve pas qu'il va bien, mais au moins c'est mieux que rien. C'est ça, c'est mieux que rien. Et je suis content quand même que pour toutes les histoires de caméra, qu'on ait un peu l'équivalent du C-Stick de la GameCube. Moi, je pense qu'on est rendu au moment où la prochaine DS, ou peu importe, va revenir mode rétro avec pas de clapet. Revenir avec juste un écran, avec des vrais joysticks, un peu à la PS Vita, PSP. Moi, c'est ce que je m'attends à voir de la prochaine console portable de Nintendo. Et j'espère que j'ai pas tort. Ben, j'espère aussi, parce que... Oui, OK, il innove, tant mieux. Mais... Je sais pas, on dirait que ça nuit un peu dans certains cas. Présentement, je trouve que ça stagne, honnêtement. Oui. Nintendo stagne sur sa façon de faire des consoles. Ils pense... ont innové, tant mieux. Oui. Mais un moment donné, c'est parce que, oui, OK, ça fait un temps, ça fait une mode, mais après ça, tu te nuis plus que d'autres choses. Ouais. La première DS date du début des années 2000, c'est quoi? 2004... Dans le coin de 2005, je vais chercher pendant qu'on parle. Parce que me semble que quand que j'étais début secondaire, c'était encore la Game Boy Advance. Ouais, je pense que t'as raison. Donc c'est pour ça que il j'ai reste plus... encore, je trouve, pour moi, une console que je préfère plus la Game Boy Advance que la Nintendo DS, toutes les générations confondues. J'aime vraiment encore beaucoup la Game Boy Advance. Nintendo DS est sorti en 2004. J'avais semi-raison. Ouais, t'étais pas pire. Ouais. T'étais pas pire. Merci. Ouais. Je pensais que c'était un petit peu après 2005, mais non, regarde, c'est 2004. Oh, c'est le premier modèle sur la page Wikipédia qui fait vraiment dur. Oui, la première DS. On s'en rappelle pas qu'il avait l'air de ça, mais il était tout courbé, genre, c'est tout bizarre. Tout courbé, il était épais, puis en plus, un moment donné, après une coupe d'ouverture, fermeture, il brisait, puis c'était pathétique. Mais c'est drôle comment la Game Boy Advance, je trouve, a mieux vieilli côté apparence que la première Nintendo DS. Oui, Très. Vraiment. Les plus récents Game Boy Advance, là, SP là, avec le clapet, puis même le Game Boy Advance large, là, sont encore, je trouve, beaucoup plus attirants visuellement. Oui, effectivement. Ouais. Mais il y avait besoin d'espace pour mettre un bon processeur puis ouais. faire des meilleurs jeux. Mais pas des meilleures colonnes de son dedans, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis content au moins avec la DS Lite après qu'il est sorti. Ils se sont beaucoup améliorés côté concept. C'est une autre affaire, ça, la DS Lite, parce qu'il y a eu vraiment. Je pense qu'il doit avoir eu genre. Je sais pas si c'est une quinzaine de générations de la DS depuis que c'est sorti. Ouais. En 2004 puis 2016, il y en a eu énormément. Effectivement. Non, je te déraille un peu. Là. C'est pas grave. Ouais. Regarde, on est là pour parler de la console. Ça. C'est ce qu'on fait. Bon, là où ça devient un peu mêlant, c'est que là, les gens, comme moi, j'ai la 3DS XL. Ouais. Et là, maintenant, il y a la New 3DS XL. Que faire? Et là, il y a des jeux qui sortent. Et qui sont exclusifs à la New 3DS, que tu peux pas jouer sur les anciennes. Pas toutes. Non. C'est ça l'affaire. Certains le sont, mais pas toutes. Comme là, exemple, il y a. Parce que la raison pour laquelle j'ai cherché là-dessus, c'est qu'il y a Pokémon Sun and Moon qui sort au mois de novembre, le 18, je crois. Et là, je me suis dit, est-ce que ça va demander d'avoir l'autre joystick et le bouton Z? Est-ce qu'il y a des fonctions là-dessus? Et là, j'ai cherché, ils ont dit non, ça va fonctionner pour tous les types de 3DS, 2DS. Mais ça va aller mieux sur la New, non, des fois? Même pas. Même pas, il y a même pas de mention. Ah oh, ouais. C'est ça. Donc là, je me suis dit, OK, donc, ce jeu-là, pas de problème. Est-ce que ça va être ça pour tous les jeux? Non. C'est là que je me posais la question. Et là, j'ai été chercher, voir qu'est-ce que les gens conseillaient. Ce que je remarque, c'est que si t'as une 2DS, les gens disent, tu t'achètes une nouvelle, une New 3DS. OK. Mais ça, c'est si t'es un gamer. Oui, c'est ça, oui. Toujours dans l'optique de si tu utilises plein potentiel. Oui, si la 3D est importante pour toi et si le meilleur processeur est important c'est pour toi. C'est ça. Si tu as une 3DS, les gens conseillent aussi beaucoup de changer pour une New 3DS. Là où J'suis ça se complique... Plus ou moins d'accord sur ce point-là, mais continue. Là où ça se complique, c'est si tu as une 3DS XL. Ah ah. À part les boutons, il n'y a rien de différent. C'est ça. Et là, il faut aussi rappeler que la New 3DS XL était le seul modèle en Amérique du Nord jusqu'à très, très récemment. Oui. Maintenant, depuis le mois passé, je crois que c'était en septembre, sinon début octobre, ils ont sorti la New 3DS, pas XL, en Amérique du Nord pour la toute première fois, mais vient en bundle avec, je crois que c'est Super Mario 3D Land. Mais c'est le seul modèle avec deux plaques, parce que sur le modèle New 3DS XL, tu peux pas changer la devanture de ta console. Alors que sur la New 3DS, pas XL, qui était sortie seulement au Japon, tu peux dévisser et déploguer le devant et le dessous de ta console pour mettre, mettons, un motif de œuf de Yoshi. C'est super cool, mais tu pouvais pas sur le XL et le XL était le seul modèle ici. Quand même. Mais en tout cas, moi, je suis pas du genre à personnaliser mes consoles, donc pour moi, ça change pas grand-chose. Donc, c'est ça. Donc, actuellement, la New 3DS XL est à 200$. Me semble que j'ai payé ma 3DS XL plus cher que ça. Ouais, moi aussi. Donc, quand même, je te dirais que pour le prix... Ça a descendu beaucoup. C'est ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Ouais. Donc le seul bémol qu'il y a... Donc tout le monde dit d'aller vers la New 3DS XL. Sauf si t'as une 3DS XL, là c'est du cas par cas. Et dans mon cas, j'ai une 3DS XL et je veux savoir si je dois changer. Je tombe dans l'exception. Parce que tu veux jouer à un des jeux qui demande une New 3DS. Non, le seul jeu à date que j'ai dans ma liste que je veux m'acheter, c'est Pokémon Sun and Moon. Okay. Donc là, je me suis dit... Est-ce que ça vaut la peine que je m'en achète une autre si d'abord le seul jeu vraiment qui presse que je joue? C'est ça. Parce qu'en tant que tel, la différence, à part pour le joystick numéro 2, c'est la rapidité d'exécution des programmes. En tant que tel, c'est ça. Tu vas juste attendre un petit peu plus longtemps avant qu'il charge, mais une fois qu'il est chargé, ça reste une cassette. Hein. C'est chargé dans la mémoire. C'est pas CD. C'est ça. Il n'y en a pas de problème. Le processeur va juste faire que le jeu... Dans le fond, il y a des jeux qui peuvent pas marcher parce que le processeur n'est pas assez bon sur une pas New 3DS XL. Ouais, c'est ça. Petit kit intéressant pour 80$, la 2DS avec Mario Kart 7. Ouais, c'est bien. Donc ça, c'est... Bon jeu, en plus. Ouais, bon, c'est ça. Donc ça, c'est intéressant. Je vois pas de bundle sur le site de Nintendo pour la 3DS. Pour ce qui est de... Ouais, ça. Pour la New 3DS XL, c'est juste la console. Donc il y a pas de... Ah, ça dépend, il y a des magasins. Il y a des bundles qui sont par magasin. Je me rappelle pas où était celui avec 3D Land, là. Ouais, c'est vrai, ça, t'as raison. Ça je sais pas si c'était Best Buy ou EB Games, en tout cas, peu importe. Il faut chercher des fois, hein, parce qu'il y a des magasins qui ont des exclusivités sur les couleurs, entre autres. Oui. Ils faisaient la même chose dans le temps de la DS tout court. Il y en avait modèle blanc seulement chez Walmart, modèle bleu seulement chez Future Shop dans le temps. Mais bon. C'est ça. Donc, si j'ai 3DS XL, il y a le Monster Hunter Generations Edition. Sinon, j'ai le Solgaleo Lunala Black Edition. Ben oui, tout le monde veut ça, c'est ça. C'est ça, donc c'est ce qui est vanté sur le site actuellement. Sinon, vous avez le standard, le 3DS XL. Mm-hmm. Faut pas oublier qu'il vient pas avec un chargeur à ça. C'est fini les chargeurs. Faut que t'en achètes un à part. C'est ça? T'es sérieux? Je te jure. C'est parce qu'ils pensent, Nintendo, peut-être avec raison, je sais pas, faudrait voir, mais que les gens ont, qui vont acheter une New 3DS ont déjà une précédente console. Donc, leur donner un chargeur, ce serait comme de leur donner des affaires qu'ils ont pas besoin. OK. Fait qu'ils le vendent 20$. Genre. OK. Mais dans mon cas, vu que j'ai déjà un chargeur de 3DS, l'utiliser. Je peux l'utiliser. Mais okay. Moi, dans mon cas, qui a vendu ma 3DS pas Excel, toi, avec le chargeur, en plus. C'est ça. Parce que sinon, ça aurait pas été juste de leur faire payer un chargeur en leur vendant la console. J'ai pensé, mais j'ai pas fait penser ça. Décision marketing ouais. Douteuse. Mais ça veut dire qu'il faut que tu rajoutes 20$ au prix de base. Fait que si ça coûte 200$, c'est 220$ plus taxes. Ouf. Ouais, ouf. Ouais, c'est quelque chose. Donc c'est ça. Donc vraiment, c'est vous y aller selon vous. Si vous avez des jeux que vous voulez jouer qui demandent. Ils sont pas nombreux, là, ceux qui demandent absolument la 3DS, la New 3DS. Non, c'est ça, pas pour l'instant. Je sais pas, j'ai pas regardé la liste parce qu'il y avait pas de jeu qui. Bon, ok, oui, il y a peut-être Legend of Zelda que là je pourrais dire, ok, il y aurait peut-être ce jeu-là. Mais pour l'instant, j'étais encore à l'étape des jeux de Nintendo 64. Ouais, c'est ça. Donc, je suis pas rendu à les jouer sur les consoles portatives. Mm-hmm. Surtout que je pense que c'est des remakes, donc ouais. Je pense pas qu'ils offrent beaucoup de choses de plus, là. Mais sinon je pense que je suis encore correct avec ma 3DS XL, mais malgré tout je suis un peu fou, donc je me ai quand même acheté une New 3DS XL. Ben oui, mais je te comprends. C'est entre autres Xenoblade Chronicles 3D qui est exclusif à la New 3DS. Ok, je sais pas s'il y en a beaucoup d'autres par contre. Ok, je sais pas, mais c'est celui que je vois en ce moment. Ok, mais quand même ils ont décidé avec un gros jeu pour essayer d'amener les gens vers cette console là pas le choix, hein? C'est du marketing encore. Oui, ouais. Oui, beaucoup de marketing. Je trouve ça spécial. Ouais. Je sais pas combien de temps que ça va toffer comme modèle, parce que ça, j'ai déjà critiqué en nombre que un moment donné, ça va avoir ses limites de tout à faire, aller chercher des dollars de plus à tout le monde comme ça. Surtout en faisant des consoles qui sont très, très, très similaires les unes des autres. Tu sais, ouais. Mettons, quand t'avais la DS Lite qui allait sur Internet versus la DS qui allait pas sur Internet, c'est quand même assez majeur comme différence. Tu la veux, la DS Lite, t'sais. Mais là, bon, un petit processeur de plus, un deuxième joystick. Avant, tu pouvais même avoir un deuxième joystick sur ta pas New 3DS avec un ajout, là. Oui, t'sais, effectivement. Quand ils ont sorti ça, c'est une espèce de bain, si on veut, dans lequel tu mettais ta 3DS, puis il y avait un joystick sur le côté, c'était affreux. Mais ça marchait. C'est... Ouais, c'est ça. Je pense que la nouvelle console était mieux. Si c'était leur objectif de vraiment imposer ça, là. Mm-hmm. Ouais, parce que l'affaire que tu rajoutes, là, comme tu dis, c'est laid. C'est ça. C'est laid, ça n'a pas sa place. Est-ce que tu veux miser sur le prochain nom de la prochaine console portative de Nintendo? Parce que là, présentement, la NX, on parle que ce serait une console de salon hybride, console portative. Ben, moi, j'apprête quelque chose comme la Really New 3DS, là, mais... La So Much Newer. Ouais, c'est ça, la So Much Newer. Mais je sais pas, moi, je m'attendrais, étant donné que les années 90 sont bien à la mode chez les gens de toutes les jeunes générations ces temps-ci, j'irais avec Game Boy quelque chose. Oh, okay. J'aimerais qu'il ramène quelque la chose New comme Game ça. Boy. La New Game Boy. Tant qu'à rester thématique. La Game Teenager. Oh, ok. Ouais. Puis, et puis un garçon, c'est une adresse. Ah, c'est bien ça. Non. Non. Non, je sais. Mais... C'est le silence plané. C'est... Ouais, c'est ça. Laissons le malaise s'occuper de cette suggestion douteuse. mais l'idée serait bonne d'avoir un prochain nom de console portative. Qui ferme un peu la boucle, ouais. Avec qu'est-ce qui a initié le mouvement des consoles portatives. Et arrêter de juste faire des affaires qui ont l'air d'être la suite de, comme des affaires avec DS dedans, ça va faire, puis des affaires comme avec Wii dedans, on a compris. Les gens sont capables de comprendre que Nintendo quelque chose, puis remettez le Nintendo dedans, c'est rare qu'on entende Nintendo Wii U, c'est juste la Wii U, tu sais. Ça va être la Game Boy Millennium. Peut-être. Quelque chose de moins. Dans le temps, t'avais la Super Nintendo. Ouais. T'avais la Nintendo. Pourquoi est-ce que là, ce serait pas la Nintendo quelque chose d'autre avec un nom cute à la fin? La Super 3DS. Ouais, c'est ça. La Ultra. Ouais. Bon, hey, on peut... le pool est lancé. Ouais, c'est ça. Ouais, on prend les gageurs. Hey, ouais, s'il y a des histoires qui ont des idées, vous allez juste à la page Facebook du Mathieu Plante Show. Ouais, écrivez-nous vos suggestions. Je vais finir par le dire comme du monde. Ouais, hein? Ouais, c'est ça. C'est l'affaire. Je te parle. Ouais. Ça m'arrive des fois. Ah, c'est la journée pour ça. Aïe, aïe, aïe. Pour terminer ma chronique, je veux quand même te parler de quelque chose de phénoménal qui est arrivé. Mm-hmm. Tu savais que les speedruns de Super Mario Bros, c'est assez optimisé aujourd'hui. Ouais. Donc, Darbyon, qui est le maître dans cette catégorie-là, qui a réussi à battre même qu'est-ce qu'on croyait possible d'un être humain. Il fait des œuvres d'art, Bin. Oui, c'est ça. Darbyon. Donc, on le sait que Super Mario Bros, ben, à un moment donné, les gens ont réussi à aller dans les 5 minutes pour faire le tour de ce jeu-là en utilisant les fameux warp, là, donc les warp pipes. Et au fur et à mesure, c'est rajouté quelques trucs à ça. Donc, on a rajouté à un moment donné le Wrong Warp du monde 4-2. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a des gens qui ont découvert à un moment donné que, normalement, tu sais, tu pognes un bloc, puis là, il y a une espèce de liane qui monte, oui. Puis là, tu montes en haut, puis après ça, tu peux aller dans le monde 8. Oui. Directement, bon, ce niveau-là. Mais à un moment donné, ils ont remarqué que Mario, quand il frappe un bloc, OK, il décale. Donc, Mario est supposé avoir une position relative dans l'écran. Exemple, il est centré. Mm-hmm. Mais quand que tu... il appelle ça des bunks. Donc, quand que tu fais des bunks sur des blocs, sur des objets, ben Mario, il tasse. Donc, l'écran continue d'avancer, mais pas Mario. Okay. Et si tu réussis à décaler Mario de tant de frames, ben, il y a des bugs qui peuvent se produire. C'est de cette façon-là qu'ils ont trouvé le bug dans le 1-1 de sauter par-dessus le drapeau. Le drapeau à la fin. Puis d'aller dans le monde 0. Ouais. C'est un peu comme ça qu'ils l'ont trouvé, ce bug-là. Le même principe peut s'appliquer dans le 4-2. Donc, si tu fais ça, si tu décales assez, ben quand que tu vas dans le tuyau où c'est que sont chez les scènes, là, ben à la place, ça t'amène directement au warp. OK. Pour aller dans le tuyau du monde 8. Mm-hmm. Donc, c'est beaucoup de secondes qui se sauvent là. Donc là, les gens se sont mis à faire ce truc-là. Ouais, sans cesse, ça devait être quasiment fatigant de voir faire ce bug-là. Quand tu connais, là, tu fais comme... C'est okay, ça. Maintenant, t'as pas le choix de faire ça pour réussir à battre le record. Exactement. Ouais. Donc là, ils essaient aussi de pousser ça de même. Après ça, dans le 8-2, ben il y a un bullet bill glitch. OK. OK, donc maintenant, au lieu d'aller directement au drapeau, ben ils attendent le bullet bill. Là. Ça, c'est l'espèce de canon, là. C'est ça, le boulet de canon. Et puis là, quand que le boulet de canon arrive vis-à-vis le drapeau, ben Mario, il saute juste entre le bloc au sol et le boulet de canon, puis ça fait clipper Mario dans le bloc. Ça coupe l'animation du drapeau qui descend. Oh, fait que tu sauves des millièmes de seconde? Ouais, c'est ça, tu sauves 3 dixièmes. Wow, 3 dixièmes, OK. Ils ont rajouté ça. Un moment donné, quelqu'un qui a réalisé que dans le 4-2, tu pouvais le faire en... c'est 3... Tu dois te cogner 3 fois avec Mario pour le faire décaler assez. Okay. Ben, il y a quelqu'un qui a réussi à réussir ça. Qui a réussi à réussir ouais, ça. Ouais, c'est ça. Hein. Qui a réussi à trouver une façon de le faire en cognant 2 fois. Okay. Donc là, c'est le Fast 4-2 qui est embarqué. Et c'est avec ça que Darbyan a réussi à aller chercher le record du monde de 4,57 et 24 centièmes. OK? Et là... quand il a réussi à faire sa run parfaite comme ça, les gens ont dit ouais, mais là c'est parce qu'ils viennent d'égaler l'ordinateur. OK. OK. Tu peux pas faire plus vite en tant qu'humain présentement. C'est ça. Ouais. Du moins, c'est ce qu'on croyait. C'est ça. OK. Ouais. Donc là, maintenant, il y a un 4,56 qui est enregistré par ce même Darbyan. Ah, wow. V'là, la semaine dernière. Il fait juste ça de sa vie, lui. Hein. Mario Bros 1. C'est sa spécialité. Presque. Ouais. C'est sa spécialité, mais il joue d'autres jeux. Ça, puis il travaille dans la vie. Ah, oh, ouais, ben j'imagine. Une chance. Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est que ils se sont inspirés du truc du bullet bill glitch, donc de clipper. Mais là, il y a des manières de faire ça. Dans le 1-1, il y a une place où tu peux sauter. OK? Et tu viens arriver dans le pixel. Puis Mario, il vient un peu clipper dans le bloc, dans le bas du drapeau. Puis là, tu sautes verticalement. Puis ça fait le même principe. Puis ça annule l'animation. OK. Clipper voulant dire qu'il rentre physiquement dans le bloc un c'est petit ça. Peu. Puis tu perds le bas de son corps ou le bas de ses pieds, genre. C'est ça. Puis là, après ça, tu sautes verticalement. Puis là, il va pogner le drapeau. Puis ça annule l'animation. Ouais. Parce que Mario, il n'est pas supposé pogner le drapeau de cet endroit-là. Et là, en pratiquant, ils ont trouvé un setup pour le faire de manière constante. Ouais. Et ça fait sauter. Et ça, c'est encore une fois, c'est avec émulateur ou sans émulateur? Il pratique avec émulateur pour pouvoir pratiquer jusqu'à temps de l'avoir, c'est ça. Les séquences encore. Boucle. Mais là, maintenant, ils le font sur console. OK. Ça veut dire qu'il faut que tu le fasses correctement la première fois, sinon ton 4 minutes et 56 est pété. Là. Exactement. Ouais, okay. Donc, ils recommencent jusqu'à temps de l'avoir. Oui. Et là, ils ont trouvé le même principe dans le 4-1. Okay. Ils ont trouvé un setup qui permet de le faire. Donc, Darbyan s'est mis en tête, il s'est dit « Je vais réussir 1-1, 4-1, je vais sauver 6 dixièmes. » Parce que le 1-1, il y a un warp, non. Le 1-1, s'il fait le glitch du drapeau. Ouais, okay. Dans le 4-1, il fait aussi le glitch du drapeau. OK. OK. Dans le 1-2, il fait le warp habituel, c'est ça, dans le monde 4. C'est le 1-2 que je cherchais, ouais. C'est ça. Et puis après ça, dans le 4-2, au lieu de faire le fast 4-2 avec les bunks, il s'est dit « Je vais faire le lent avec le 3 coups. Okay. » Et là, ça, il perd 3 dixièmes. Oui, mais il récupère. Donc, il reste 3 dixièmes au final. Oui. Et puis là, il dit, si je réussis à faire ça, j'ai juste à finir le jeu. Wow. Et il a fini par l'avoir. Faut quasiment être bon en mathématiques pour se rappeler que si tu perds 3 dixièmes là, mais tu l'as récupéré ailleurs, tu vas te calmer. C'est ça. Wow. Donc, vu qu'il y avait le fameux 4,57 4.24, ouais. Ben ça l'amenait à 4.56.96. Quelque chose de même. Ouais. Et il a réussi. Mm-hmm. Et là, maintenant qu'il a fait ça, ben là, maintenant, c'est le flagpole glitch du 1-1, le flagpole glitch du 4-1. Et là, maintenant, il veut faire le rapide 4-2. Oui, c'est ça. Pour sauver un autre 3-dixième. Qui va l'amener quand même dans le 56, mais dans le bas du 56, genre. C'est 3-dixième, ça. Ouais, donc, 66, je pense, autour de ce coin-là. Okay. Donc, 4, 56, 66, mm-hmm. Dans ce coin-là. Ouais. Et là, ce serait phénoménal. Et là, on serait à la limite et... Il pense que humainement, parce que le même truc peut s'appliquer aussi pour le 8-1 et le 8-3, mm-hmm. le fameux flagpole glitch, ben il pense qu'il y aurait peut-être un humain un jour qui pourrait peut-être faire un 4-55 s'il réussit tout parfait. Et sûrement ce sera lui. Mais là, on parle de... C'est tout des trucs pixels. Oui, oui, oui. Perfect. Ouais. OK, on pensait que c'était juste le tool assisted speedrun qui fallait réussir, mm-hmm. et maintenant, on a des humains qui le font. Ouais. Donc là, c'est... Écoute, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Donc là, c'est... C'est fun à voir, ça, c'est ben sûr. Mais oui. Ouais. Mais c'est le fun de voir qu'on pensait que Mario Bros. C'était une catégorie clos. Ouais. C'est fini. On a tout trouvé ce qu'il avait trouvé là-dedans. C'est non. Ça. Non. Mm. Non. Il y a tout le temps quelque chose qui a à pratiquer, quelque chose d'autre que les gens peuvent essayer. C'est pas des choses qu'on a insérées là-dedans qu'on découvre plus tard. C'est pas des secrets cachés, c'est des bugs dans le jeu, là. Oui, c'est ça. C'est... Et l'ordinateur actuellement a 4.54. Okay. Donc, on le sait qu'il y a encore des trucs qu'on peut faire. Mm-hmm. Mais la question, c'est est-ce que c'est humainement possible d'y faire? Je me demande comment il... Tu dis que c'est battre l'ordinateur. L'ordinateur fait comment pour réussir à trouver ces bugs-là? C'est ça que je me demande. Non, mais c'est parce que par ordinateur, on peut tester tout le pixel par pixel. Okay, qu'est-ce que les gens l'ont fait? Okay. Oui, c'est ça. Okay, donc, okay. C'est tous des trucs que des gens ont déjà fait, soit par erreur ou en y allant frame par frame, ils ont trouvé. Okay. Mais de là, si quelqu'un puisse reproduire ça dans le vrai monde, dans vraie vie, mm-hmm. c'est là qu'il y a une limite. Ouais. Mais quand même, là, plus ça va, puis plus les gens trouvent des façons, des setups pour arriver à ce pixel-là, mmh. puis arriver à cet endroit-là parfaitement. Wow. Donc, je trouvais que ça valait la peine d'en parler aujourd'hui. Mais que c'est le genre de sujet que j'adore. C'est ça. Très bon. Donc, c'est ça, ça clôt ma chronique. Wow. Merci, Sam Girard. Ça fait plaisir! Cette édition spéciale du Mathieu Planchot continuera après la pause. Spéciale d'un gamer à un autre avec Samuel Girard au Mathieu Planchot. Il nous reste encore deux chroniques, plus tard la chronique inédite que je vous promets depuis le début de l'émission, mais tout de suite, voici les jeux de simulation, diffusion originale 30 novembre 2016. D'un gamer à un autre avec Samuel Girard. Hey, ça va? Ben, ça va très bien, toi aussi? Ben oui, toujours aux deux semaines pour ta chronique d'un gamer à un autre. Oui. Et là, t'es dans le néant total sur ce que je t'ai apporté aujourd'hui. Absolument, tu m'en parles à l'avance et tu m'excites avec la Nintendo Switch ou les événements auxquels t'as participé, mais là, j'ai aucune idée. Mais c'est ça, là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me demandais de quoi parler et là, je suis un peu entre deux événements. Donc, j'ai dit non, finalement, on va garder l'événement pour l'autre. Donc, dernière minute, j'ai changé mes affaires puis j'ai été avec un blog. Je me dis peut-être ça va tomber un peu dans la nostalgie. Ah. De certains. Rétro. Ouais, c'est semi-rétro. OK. Donc, c'est des vieux jeux, mais en même temps, on les classe pas dans le style rétro. OK. OK. Est-ce que tu as déjà fait ça, Mathieu, des jeux de simulation? De simulation comme les Sims, vol d'avion. Ça rentre là-dedans.

écouter une édition spéciale d'un Gamer à un autre avec Samuel Girard ou Mathieu Planchot. Je vous ai promis au début de l'émission une chronique inédite. La voici, c'est le Metroidvaniaton. Salut Sam. Ça va? Ça fait drôle, une thématique mexicaine. Ouais, je sais pas ce que ça quand on approche Noël. Aucun sens. Hein? C'est comme une du campeur, mais le contraire. Oh! On a chaud en décembre. Ouais, ben ça dépend. Peut-être en dedans, pas dehors. C'est ça. Dernière collée pour la session d'hiver. Déjà. Ben oui, mais on va commencer ça hein, en janvier. Ben oui. Good. Ben oui. Donc, de quoi est-ce qu'on parle, Sam, aujourd'hui? C'est très simple. Je vais t'amener le sujet que j'avais parlé il y a deux chroniques. Oui. Le fameux Metroidvaniaton. Oui, oui. Le mot de ton en français, c'est toujours bizarre parce que j'imagine tout le temps que c'est un petit poisson. Ouais. Mais donc, c'était. Ben, t'as le poisson, t'as le. Tu sais, la fin dans la même famille que l'abeille, là. Oui, les abeilles, les guêpes, les bourdons, le thon. Tout à fait. C'est ça, je trouve ça laid comme nom. Ouais, c'est vraiment laid. Mais c'est pas grave, donc c'était un mélange entre Castlevania et Metroid, mais il n'y avait pas seulement ces deux jeux-là, il y en avait plein d'autres. C'est ça. Donc, c'est quoi un Metroidvania? Ça le dit. Donc, t'as Metroid puis t'as Castlevania, donc c'est ce style de jeu-là. Ce qui est particulier, c'est que dans ces jeux-là, de la manière qu'on fonctionne, t'as un monde qui est ouvert. Mm-hmm. Donc, on prend, mettons, le premier Metroid au NES. Tu peux te promener partout. À un moment donné, tu bloques. Puis c'est là qu'il faut que tu trouves la Morph Ball, faut que tu trouves les missiles pour ouvrir des... La Morph Ball? Ouais, pas la Morph Ball, okay, la Morph. Ah, OK. C'est important. Donc c'est ça, faut que tu trouves des choses comme ça, faut que tu trouves des techniques, faut que tu trouves une armure supplémentaire pour aller après ça dans une espèce de liquide qui tuerait morve, là, Samus autrement. Son mucus. Ouais, c'est Samus. Excuse-moi, je te mêle. Donc c'est ça. Donc tu reviens souvent sur tes pas, t'as des choses à acquérir et là, c'est un moment donné, ça te permet de progresser dans le jeu. Donc un monde ouvert, faut tout le temps que tu trouves des équipements pour améliorer tes conditions et pouvoir progresser dans le jeu. Ça, c'est un Metroidvania. Okay. Et y a pas seulement les Castlevania et les jeux de Metroid qui ont ce concept-là, il y en a d'autres. Et n'importe quel jeu comme ça était admissible pour ce marathon-là. Un marathon qui a été présenté au Meltdown à Montréal, donc le bar de eSports. Okay. Il y en a un maintenant aussi à Québec. Ah, je sais pas. Donc, un Meltdown ou un bar? Un Meltdown. Okay, c'est une franchise. C'est ça, il y en a plusieurs. Et en même temps, ben, c'est pas un Meltdown, mais il y en a un qui va ouvrir à Trois-Rivières aussi. Ah ouais? Oui. Ben voyons. Donc ça s'en vient. Je connais le nom, on sait c'est où, non? Faudrait que je retrouve le nom pour retrouver la page qui parle de ce bar-là, mais en tout cas, il y en a un qui s'en vient, là, ils ont très commencé cool à faire des annonces tranquillement. C'est sur... comme, je me rappelle qu'à Trois-Rivières, il y a quelques années, ça commence à faire un petit bout, là, mais il y avait beaucoup de place pour faire du RPG, pas du RPG, du LAN, party. Oui, oui. Party. Ils ont tout fermé depuis parce que la mode est passée. C'est ça. Mais là, ça revient là, un peu ce concept-là. Et c'est très bien. T'arrives au Meltdown à Montréal, puis t'as une section que c'est juste des ordinateurs avec les chaises de gamer. Tu t'assois, tu t'achètes un verre, puis tu gagnes. Ouais. Il y a déjà des jeux installés, des affaires de même. Sinon, tu peux te connecter à ton Steam et ouvrir un jeu. Pis... Donc, toutes sortes de manières de faire. Et puis, tu as un petit coin un peu plus loin où là, tu as des consoles avec un Guitar Hero, un Just Dance. Ouais. Tu as un petit arcade pour jouer à Street Fighter là, avec le joystick et les boutons, là, les vieux boutons sur PlayStation. Puis, tu as une Wii U avec plusieurs manettes pour jouer en multijoueur, là, des jeux de course, des affaires de même. Donc, c'est une très belle place où aller. C'est tellement rendu populaire les jeux comme ça, les sports quand même. Quand tu vas chez Valentine, tu demandes un Steam tout le temps. Puis... Steam! Comme un hot-dog du Steam, c'est pas drôle, pas en tout. Non. C'est pas grave, c'était bien pensé. Merci, je l'ai vraiment pas vu venir. Il y a plus, je l'explique par contre, les meilleurs gags sont ceux qu'il faut que t'aies. Ouais. Bon, là, arrête de me cuisiner avec tes jokes. Là. Oh, wow! Tu dis pas ça avec le dos de la cuillère. Bon. Oh! Revenons nos moutons. Ouais, c'est ça. OK, donc c'est ça, c'était du 25 au 27 novembre. Okay. OK? Et c'est le fun, j'ai été invité. Ben oui. Ben oui. Non seulement pour jouer, mais pour présenter. C'est ça? Ouais, ben finalement, il n'y a pas eu de présentation. Oh, y a non, pas eu, non oh. C'est ça. C'était je pense que c'est. Il y avait la tech crew qui appelle, ouais. Donc qui s'occupait de la mise en onde, mm-hmm. de l'événement. Mais il n'y avait pas de. À moins de le demander, il n'y avait pas vraiment d'animation. Ah, d'accord. Donc c'est pas grave, j'étais sur place, profiter de l'ambiance, j'ai jasé avec le monde, donc ça c'était très bien. C'est ça. Et c'était. L'événement est organisé pour le Kernecterus, en tout cas, j'ai donné avec le nom un peu, Research Center. Donc, c'est une maladie dégénérative qui touche les enfants. Donc, malheureusement. Et le fils du créateur du jeu Axiom Verge, je sais pas si tu connais. Non. C'est vraiment un Metroid look-alike. OK, c'est très similaire en termes de façon de jouer au jeu, la manière que le jeu est fait. Vraiment, c'est un bon jeu. C'est un Metroidvania. Mm-hmm. OK. Et justement, lui, c'est un gars qui a fait ça. Il a fait ça tout seul, ce jeu-là. Un très, très bon travail. Et son fils est atteint de cette maladie-là. Et c'est dégénératif. Donc, plus ça va et moins son fils peut s'occuper de lui tout seul. Ouais. Donc, plus il dépend de d'autres mondes. Donc, ça demande du temps, ça demande des ressources. Et là, en même temps, mais c'est une maladie qui est très peu connue, donc qui demande de la recherche. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça qu'on a voulu encourager avec cet événement-là. Donc, ça, c'est très bien de ce côté-là. Et j'apprécie beaucoup les gens qui prennent le temps d'organiser ça. Mm-hmm. Et on a tout fait ça bénévolement. Ouais. Okay. Donc, de passer la fin de semaine là à Montréal pour une bonne cause. Avoir du fun en même temps. Ben, c'est ça. Ouais, on s'est amusé, on a profité, on a encouragé le meltdown, on a encouragé un peu la bonne cause en même temps. Donc, ça, c'est très, très bien. Et je veux parler un petit peu évidemment, de ce que les gens ont présenté. Ouais. Parce que plus je peux vous faire découvrir de jeux, mieux c'est. Ta mission. C'est voilà. Ça. C'est exactement la manière que je veux fonctionner. Donc, ça a commencé le vendredi soir. OK. Fait. Donc ils ont décidé d'ouvrir ça avec, écoute, tout qu'un spectacle, un Super Metroid Randomizer. OK, qu'est-ce que c'est ça? Un randomizer, c'est quand que tu prends le ROM du jeu. Mm-hmm. Ça, c'est le fichier extrait du jeu. C'est ça, qui permet de jouer sur ton ordinateur. Sur un émulateur. C'est ça, exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'il y a une façon de modifier l'émulateur. Donc, tu embarques un algorithme de aléatoire qui fait en sorte que tous les objets sont plus aux mêmes places. Apparaissent n'importe où dans le jeu. C'est ça. Donc, toi qui étais habitué d'aller chercher tes missiles à tel endroit, ton énergie supplémentaire à tel endroit, l'habit qui te permet de passer dans telle salle à tel endroit, ben là, c'est plus là. Ouais. Tes points de repère sont... C'est ça. Mais est-ce qu'ils sont tout le temps... ils sont pas genre au plafond ou en plein milieu de l'écran? Non, je veux dire, toutes les autres sont aux mêmes places, excepté que c'est plus les mêmes objets que tu trouves à ces endroits-là. Ah, c'est ça, OK, je comprends. C'est ça. Mm-hmm. Donc, quelqu'un qui connaît le jeu, il sait quand même où aller, sauf qu'il sait pas qu'est-ce qu'il va trouver. Okay. Et là, des fois, tu peux avoir une combinaison d'objets qui fait en sorte que, normalement, t'aurais besoin d'un objet pour aller en chercher un autre, ouais, mais là, tout d'un coup, c'est tes objets que tu... En tout cas, donc, ça amène les gens à réussir plein de glitches. Ouais. Dans les endroits que tu pourrais normalement pas aller pour trouver ces objets-là. Ouais. Et encore d'autres fois, ça pourrait être le contraire. Tu pourrais plus avancer du tout parce que t'as pas ce qu'il te faut pour avancer. C'est ça. Les deux, c'était comme une lame à double tranchant. C'est ça. C'est deux de mes amis qui ont présenté, donc Shokushu et G-Unit, qui ont présenté ce jeu-là et ça a très bien commencé. Mm-hmm. Après ça, le jeu qui a été présenté par Tolu. Je sais pas comment qu'on prononce, ouais, c'est ça. Donc, Momodora, RUTM. Comme ça, j'ai aucune idée c'est quoi ce jeu-là et j'ai malheureusement manqué cette diffusion-là. Ça arrive. Ouais, c'est ça. Mais c'est un Metroidvania. Mm-hmm. Ensuite, Desfel qui a présenté Rabi Rabi. Ils disent-tu sur PC? Ok, ouais, c'était le segment PC. Donc, mm-hmm. des jeux normalement que tu télécharges un peu, des petits jeux un peu indie, là. Ouais. Qui sont faits dans le format Metroidvania comme ça. Ensuite, Skateman qui a présenté, jusque je crois qu'il y en a combien là, c'est VVVVVV. Oui, oui. Un jeu indie entre autres. Oui, c'est ça. Entre autres, j'adore le concept. Ouais. Tu l'as déjà vu, ouais. Donc tout ce que t'as comme contrôle, tu peux pas sauter. Mm. Tu peux juste changer la gravité. Donc un coup t'es au sol, un coup t'es au plafond. Et là tu te promènes dans les niveaux, donc si t'as des pics au sol, ben tu t'en vas au plafond. Promène comme ça, mais plus ça va et plus c'est difficile, plus faut être rapide, faire les changements. Ouais. Écoute, c'est spectaculaire. C'est très minimaliste comme design, il me semble. C'est pas juste comme une couleur. On dirait presque un jeu d'Atari. Oui, c'est ça, exactement. C'est un peu, il était fait comme ça. Ouais. Et après ça, ben, pour très bien finir le vendredi soir, c'était Castlevania Symphony of the Night par mon très bon ami Zerolac Gaming. Okay. Donc il y avait des Castlevania et des Metroid, c'est pas juste des look-alike ou des non, c'est genre. Ça. Non, c'est ça. Il gardait ça pour la fin de la soirée comme en featuring. Là, exactement. Okay. Donc, très très spectaculaire. Il le fait en 30 minutes quand même. Ok, wow. Donc c'est très beaucoup de glitch pour accélérer le jeu. Donc ça vraiment là, c'était tout qu'un jeu à regarder. Après ça à minuit ils ont présenté Metroid Fusion par Fuzzy. Ok. Donc Fuzzy étant le cousin de G-Unit. Donc oui, c'est une affaire de famille aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après ça, là, on est vraiment rendu dans la nuit. Donc le jeu qui a été présenté par Thunder Mustache à la NES. Donc Ebereke. C'est un jeu de NES que je connais pas trop, là, mais très populaire. Après ça, évidemment, fermeture des bars. Mm-hmm. Donc, Shooter. On pouvait pas jouer toute la nuit. Non. Et ça a repris à 10h30 le lendemain avec Batman Arkham City. Wow. Qui était présenté par Terran. Okay. Un gars de Trois-Rivières. Hein? Ah. Oui. Donc c'est ça sur PC. Donc encore là, nous on dit en quoi parce que Batman est un Metroidvania. Ben c'est. On avait là, une catégorie qui était not so Metroidvania. Ok, pas tant. C'est ça. Mais c'est que c'est quand même un monde ouvert. Ouais. Puis tu dois te promener beaucoup dans ce monde-là. Donc, il y a des aspects de Metroid, Vania. Donc, ça fait attention qu'il y a des jeux qui ont été acceptés comme ça. Puis, je pense que c'est une bonne idée. Ben, tu le sais, la dernière fois qu'on s'en est parlé, je crois que c'est dans la chronique du Nintendo Switch. Tu avais dit qu'ils essayaient d'ouvrir un petit peu leurs horizons pour avoir plus de gens. Hein. C'est ça. Si t'es trop focusé sur quelque chose, hein, c'est difficile d'avoir du monde. Exactement. Ouais. Déjà que ça a été compliqué de remplir l'horaire. Si en plus t'es trop sévère. Donc, c'est après ça, on a eu Pharaoh Rebirth, un jeu PC. Donc, c'est le tour de Tolu. Ensuite, on a eu Shanta and the Pirate's Curse cool. par Skateman. Mmh. Donc ça, c'est un jeu plus connu. Même qu'il y en a un au Game Boy qui est très, très cher. Mmh. Ah, c'est... Ah, ouais. Bon, un c'est des plus chers. Culte pas mal, quand même. Oui, oui, oui. Shovel Knight par Tolu. Donc c'est, ça aussi, Shovel Knight, excellent jeu. Et ça, c'est une très bonne chose qui est présentée, ce jeu-là. Donc, un très bon Metroidvania. Ensuite, Super Metroid Redesign, c'était pas mal le clou du spectacle. C'est quoi ça? Donc, c'est quelqu'un que c'est un peu un Kaizo. OK, ah oui. Un remix très difficile de Super Metroid. Okay. Juste pour te donner une idée, d'habitude Super Metroid se fait en 1h15. Mm-hmm. Lui, c'était 2h50. Et c'est lui qui a le record mondial. Wow. OK. Elminster, donc lui, il est Twitch Partner. Un très gros streamer de la région de Toronto qui s'est déplacé à Montréal pour l'événement, venait présenter son jeu. Les partners, c'est ceux qui font le plus d'argent, qui sont vraiment reconnus par Twitch comme c'est étant ça, des vedettes. Tu peux payer sur leur compte pour être abonné. Mm-hmm. C'est ça. Ensuite, l'autre main event, donc c'était Axiom Verge, okay. qui est le jeu de dans le fond de pour la personne pour qui on faisait ça. Ouais, c'est ça. La personne qui a fait ce jeu-là. Et c'était l'organisateur de l'événement, Monsieur G-Virus, qui a présenté le jeu. Mm-hmm. Donc lui qui a le record du monde dans la catégorie Any Percent Warpless. C'est lui qui a fait le jeu, c'est pas avec le record. Non. Non, ok. Non, c'est l'organisateur le de l'événement a le record du monde. Okay. Et lui a décidé de jouer ce jeu-là et l'argent qu'on a ramassé allait pour le fils. Ah oui. Okay. Ouais, c'est ça. Distinction à faire, il a pas créé le jeu lui-même. Non, c'est ça. Okay. Mais il joue tout le temps. Ouais. Donc c'est ça. Après ça, ça a été suivi par Ori and the Blind Forest par Shokushu. J'adore ce jeu-là. J'en ai déjà parlé dans une chronique précédente. Rappelle-moi. Le visuel. T'es une petite créature lumineuse dans une espèce de monde fantastique, une forêt. Et puis, c'est magnifique comme jeu. Le visuel, là, c'est de toute beauté. Okay. C'est la chance de regarder ce jeu-là ou même d'y jouer. Un moment donné, je vais y jouer. Okay. Quand je vais avoir le temps, là, c'est magnifique. C'est un jeu sur PC, là. Ça vaut le détour. Ben. Donc après ça, ça a été Muri, qui a été présenté par Delen. Donc un petit jeu qui se fait en 10 minutes. Bon. Donc très ben, simple. Puis après ça, il est resté là pour présenter Kid Dracula au Game Boy. Donc deux petits jeux. Game Boy d'origine? Oui. Okay. Oui, oui. Vert et jaune. C'est ça. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Non. On dirait que c'était dessiné à la main. Là. C'était de toute beauté. Après ça, c'est un animateur de C'est fou. Donc, donc Rock Det, alias Rock Généreux, que vous pouvez écouter dans Matière Noire. Rock Det. Ouais, c'est cool. C'est son nom Twitch. Ouais, okay. Donc, il a présenté The Adventures of Captain Comic. Donc, il est très près du World Record. Mm-hmm. Écoute, c'est un jeu sur DOS. Wow, oui, c'est vrai. Ça, c'est loin. C'est très loin. J'étais là. Fait que c'est, oui, je suis vieux. C'est, ouais. Ah non, écoute, c'était beau à voir. Ouais. Et il a très bien fait le jeu. Il y a eu de très bons jeux sur DOS. Là. Oui. Donc, je me rappelle d'aucun. Là. C'est ça. Donc, c'est un jeu, tu te promenais, tu dois ramasser des objets. À un moment donné, tu reviens au début du jeu. Puis là, tu peux en ouvrir la porte vis-à-vis laquelle tu commences pour aller faire le dernier niveau. Donc, c'est un peu ça le principe. Donc, c'était très très très bon. Après ça, le jeu par excellence pour finir une soirée au bar, donc jusqu'à la fermeture, ça a été Conker's Bad Fur Day. Ok, et avec, parce que d'habitude le discours c'est on saute les cinématiques vu que c'est du speedrun, ben oui. Mais là à la demande générale, on a laissé les cinématiques. C'est quasiment un film cette histoire-là, il y a une c'est histoire ça. Là-dedans, puis du dialogue. Donc c'est ça, et ça a été fait par l'animateur des Patriotes en Action, ah. Marc-Olivier Dumas, alias Dracula sur Twitch. Ok, juste Dracula, de ouais. Même plate. Okay. Y a pas de petit surnom qui Dracula. C'est ça. Ouais. De toute façon, son nom dans la vie de tous les jours, c'est Drac. Ah, pas vrai. Eh oui, comme Drake. Non. Non. Non. D-R-A-C. Okay. Donc, c'est ça. Donc, on a fini la soirée avec ça. Écoute, c'était tordant. Puis les gens ont embarqué. Ça l'a chanté collectivement de Great Mighty Poo dans le bar. Écoute, c'était de toute beauté. Donc, ça le clôt la journée de samedi. On se ramasse au dimanche. Donc, on a commencé ça à 11h30 avec Super Adventure Island 2. Ah, oh, c'est le fun, ça. Donc, oui. Un autre représentant de Trois-Rivières, de Malaki. C'est considéré comme un... Celui-là, oui. Ah ouais? Oui. Okay. Les autres, c'est des jeux aventure linéaires. Lui, faut vraiment que tu te promènes, tu reviens sur tes pas, t'as besoin d'aller chercher des objets. Ah. Donc lui, c'est vraiment un Metroidvania. J'ai peut-être sauté celui-là, parce que Adventure Island, c'est le jeu avec le petit skate et le... C'est ça. Mais là, c'est plus ça du tout. Okay. Là, c'est au SNES, c'est Super Adventure Island 2. Essaye-le, il vaut la peine. Parce que c'est une de mes séries, j'aime beaucoup ça, Adventure Island d'habitude. Ok, ben je te conseille celui-là, si tu veux l'essayer un moment donné. Et après ça, à 13h moins 10, donc à 12h50. C'est rare que les gens disent ça 13h moins 10. 13h moins 10, je vais le dire autrement. Banjo-Tooie. Oui. Par nul autre que moi-même. Un certain Samuel Girard. Oui, c'est ça. Donc un autre de ces fous. Ouais. Puis là, c'était vraiment represent. Hein? Oui. Ah. Vraiment. Donc c'est ça. J'ai décidé de faire Banjo-Tooie en une heure. Ah, t'as décidé de faire ça en une heure ou tu le fais en une heure puis ça donne demain? Non. J'avais dit que je le ferais en une d'une heure. Oui. Donc c'est ça. Fallait que je manipule le jeu de manière assez sévère parce que le jeu est très très long d'origine. Okay. Donc ceux qui l'ont joué, j'ai fait une manipulation cinématique, m'a retrouvé au boss final en dedans de 40 minutes. Donc ça c'est... Du premier coup t'as pas eu à... Ça a tellement bien été, ouais. Et ça a même tellement bien été que j'ai battu mon record personnel live à l'événement. Bravo. Par une bonne minute. Ouais. C'était phénoménal. Tout a bien été devant tout le monde. Wow. Puis c'est ça, j'avais un fan club qui était présent sur Twitch pour regarder, c'était drôle. J'ai regardé la diffusion, moi j'étais pas au courant. Okay. Là je regarde la diffusion, puis quand tu regardes la diffusion, qu'est-ce qui est bien avec Twitch, c'est que tu as aussi la reprise du chat en même temps. Ah wow. Puis j'ai pu voir qui était là. Donc j'ai remarqué que mon frère était là, j'avais des amis qui étaient là pour regarder. Il y a une partie de la communauté de Banjo-Kazooie qui a pris le temps de venir voir un peu le jeu que je présentais, venir m'encourager un peu. Et puis j'ai même une fille que je connais bien du Colorado qui a arrêté sa diffusion pour venir regarder. Vous êtes tombé gentil. Quand tu dis qu'il y a la reprise avec le chat dessus, est-ce que tu peux quand même chatter? Non. Autour, non. Non, tu peux pas chatter, mais tu vois les messages qui ont passé pendant la diffusion. Donc, c'est ça. Et après ça, eh bien, un autre représentant de ces fous. donc, c'est M. Frédéric Simon, alias Mastafreds, sur Twitch, qui a présenté de manière très courageuse Metroid Prime au GameCube. Okay. Et 3h50. Wow! C'était 100%, là. C'était une longueur incroyable. Et de rien oublier, tous les trucs qu'il devait faire pour sauter pour être capable de skipper des parties du jeu. Écoute, fallait qu'il soit concentré. C'était sa première fois comme dans le speedrun. Ouais. Et puis vraiment, là, il a relevé le défi haut la main. Cool. C'était tout qu'un défi qui s'était lancé. Il a dû pratiquer beaucoup pour un jeu aussi long. Ouais. Donc c'est lui qui a occupé le dimanche après-midi. Et on a terminé en force avec Super Metroid, okay. Qui est un des plus connus en termes de Metroidvania. Donc on avait estimé environ 2 heures. Donc c'était Shokushu et G-Unit. Donc les mêmes qui ont fait le randomizer. Au début, on finit avec le vrai jeu, l'événement. Sûrement moins stressant un peu, j'imagine moins difficile. Ben c'est sûr, parce que là tu sais où tout va être. Ouais. Donc ça c'est très bien de ce côté-là. Ça a très bien fini parce que ces deux excellents streamers de 1, ils ont beaucoup de talent, puis c'est deux bons amis, donc ça a fait une course vraiment intéressante entre les deux. Ouais. Donc ça c'était c'est ça. Donc ça a bien fini le dimanche, on a fini sur l'heure du souper et après ça on a repris la route vers Trois-Rivières. Ouais, faut bien que ça finisse un jour. Ben oui, c'est ça. Donc c'était ça le Metroidvaniathon. C'est fun. Ben une tournée, il va y en avoir d'autres de ça? Oui, ça a été annoncé à la fin de l'événement. Donc, c'est tout le temps l'organisme No Reset qui s'occupe de ça, qui est géré par G-Virus. Le même qui organise cet événement-là, c'est ça. Qui est qu'un enfant. Qui non, que... non, lui, non, c'est pas lui qui a l'enfant. C'est le créateur de Dieu Axiom Verge. Ah. Le créateur de No Reset qui organise des événements, lui, il a joué à Axiom Verge pendant l'événement. Oui. Ouais. Mais c'est ça. C'est comme une grande famille, faut-tu demander tout le monde au visuel. C'est ça. Et le prochain événement, ça va être au LAN ETS, du 10 au 12 février, je crois, si je me trompe pas de fin de semaine. Et puis, donc, toute cette fin de semaine-là, ça va être un autre événement No Reset. Du coup, là, il n'y a pas de thématique. Et puis, là, les gens ont déjà commencé à proposer plein de jeux qui vont être présentés là. Donc, moi, je vais y être encore. Qu'est-ce que tu veux présenter? Ce que ça me tente de présenter, premièrement, il y a une autre gameuse québécoise qui veut absolument faire Battle Block Theater en coop. Et elle m'a demandé de la prendre avec elle. Je dis pourquoi pas? Ben oui. On va apprendre Battle Block Theater, c'est un petit jeu cocasse où tu te ramasses dans un monde, t'es des espèces de petites créatures, des petits bonhommes avec une grosse tête, là. Okay. Petit corps avec une grosse tête, des petits bonhommes blancs. Et puis tu te rends dans un monde de chats. Ben là, voyons. Ouais, et les chats ont kidnappé un de leurs amis. Et puis là, eux autres se ramassent là-dedans, puis tu traverses un paquet de niveaux et les chats, c'est comme si t'étais au théâtre. Ah ouais. Et tu vois m'amener la foule de chats qui te regardent. Cool. Et là, tu essaies de résoudre toutes les casse-têtes, puis de traverser les épreuves. Dans le fond, t'as un niveau, c'est comme une forme de casse-tête, puis t'as minimum de trois gems, des diamants, des verres à ramasser pour ouvrir la sortie. Là, tu prends de niveau en niveau, tu peux le faire juste 3 gems, tu quittes, ou tu peux essayer de ramasser les 6-7 par niveau plus la balle de laine. OK. C'est ça. Et puis là, t'as aussi des chats qui t'attaquent pendant... Mm-hmm. La musique est formidable, le concept est formidable. T'as un narrateur qui parle, puis il dit un paquet de niaiseries, je peux même pas dire en ondes. Écoute, c'est drôle. C'est tellement drôle. Donc, comme ça jeu. Ça s'appelle Battle Block Theater. OK. C'est tellement pas le genre de jeu que j'aurais imaginé avoir des chats dedans. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est le jeu que je vais monter avec cette gameuse. Donc, c'est Cindy Pixel sur Twitch. Oui, ben oui. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir. Mm-hmm. En fait, c'est surprenant qu'à date, dans la pratique qu'on a faite, on se soit pas déjà arraché à la tête. Parce que tu dépends beaucoup de l'autre pour être capable de progresser dans les niveaux. Puis, si on veut justement le faire en speedrun, tu peux pas te tromper. Vous faites à distance? Oui, en plus. En plus. Oui, c'est ça. C'est pas facile. Parce que c'est ça, elle habite pas dans le coin. Ouais. Elle habite à l'extérieur. Donc, il faut faire ça à distance. Mais peut-être qu'à un moment donné, on va s'organiser quoi pour pouvoir être dans la même salle et le pratiquer, parce que à l'événement on va être ensemble. Ouais. Donc faut vraiment pas se tromper là. Je sais pas si ça se faisait des jeux en coop à distance. Ça se fait très bien. On se parle sur Skype, puis vu que c'est un jeu PC, on se connecte juste dans la même partie privée. Cool. Puis ça se joue pas en split screen, donc c'est pas un problématique. C'est juste la caméra qui recule quand on est trop distant dans le niveau. C'est assez synchronisé pour qu'il n'y ait pas de délai. Oui. Non, c'est très bien de ce côté-là. Okay. Donc ça va bien. Cool. C'est ça. Puis sinon, peut-être que tout seul, je présenterais peut-être Sonic the Hedgehog 2. Ok. Au Sega. Ta spécialité, Sonic, je pense, non? J'adore les jeux de Sonic. J'adore ça. Et le 2 est ton préféré dans la série? Le 2, c'est mon préféré dans la série. C'est ça. Donc c'est pour ça que je voudrais commencer par lui. Donc ça va tourner autour de ça. Donc j'ai vraiment hâte au mois de février. Ça va être un autre bel événement qui va durer toute une nouvelle semaine. Très peu de sommeil. Oui, c'est ça. Et encore une fois, ça va être un événement qui va être associé à une bonne cause. On va ramasser de l'argent. L'année passée, c'était pour l'autisme. La recherche pour l'autisme. J'imagine ça va être encore ça cette année. D'habitude, c'est les causes se répètent pour un événement donné, parce qu'au dernier TS l'année passée, c'était ça. J'ai hâte de voir. Ça devrait virer autour de ça, mais c'est sûr qu'il y a une cause encore associée, puis qu'on se mobilise encore une fois pour une bonne cause. On s'en parlera d'ici là. Yep. C'est en plein ça. Super. T'as tout compris. Donc, c'est tout pour ma chronique. Ah, merci, Sam. Fait plaisir.